encore une trace de toxine. Du son qui casse le coccyx. Pathétique, tu te bousilles quand t'as trop d'emprunt. Vu que t'as la réplique du clown triste dans le ciao pantin. Comme faux air de comique, plus rien à foutre. Tu roules un gros pet de chronique dans l'hôtel de police. T'épouses le blues, le cafard sans connaître l'espoir. Car t'écoutes une troupe de bâtards dans ton MP3. Une grande addiction, pas ça pour te mettre des pages. Tu ressens un prison via la colonne vertébrale. Mes yeux s'imbibent et s'épongent vite fait. Je chante la castagne, il peut t'arriver des combines, frère. Demande à Sam Sam, je déplace pas les montagnes comme dans les films d'Eddie Murphy. J'ai pas choisi le bon taf. Quand je vois les prix des dealers cheat, mal on fait du rap, un abri en deux hivers. En fait, on rame, on perd du bail, un avenir sans queue ni tête. Une sale image, faut pas qu'on se tue plein d'ulcères. Des choix, on fait de toi un animal sauvage dans une jungle urbaine. Tu cries nos sens, t'as lâché, un tas de sauvies t'accompagne. Tu dis qu'on ne vit pas longtemps, tout part Tony la montagne. Glisse sur une mauvaise pente, la neige, le star, merde, tu pousses vite. Nos graines de star font des mauvaises plantes. T'arraches le pavé en deux et demi. Pas l'air impressionné par la crème ni par les dents de l'ennemi. Tant de sales draps, sans passe droit, sans ouverture, sans pare-balles ni vertu. 10 plaques dans le matelas, sans couverture, à plat, quelques plans diaboliques, un prolique, une lance, parce que ta violence est chronique. Oisif, ta peine est massive, c'est toi et tes couilles, les dents qui rayent le bitume et le parquet des assises. Non, t'es pas tendresse, cool, t'es frais les filles, ouais, cousse, tu voulais juste en découdre, alors tu fais les fils. Vive comme un homme mort, ni comique, ni tragique, au fond t'es comme plein d'autres mots, c'est commun, c'est chronique. Demande aux pirates, j'ai le mental d'un spartiate, j'écris ça dans les gaffes. Du château des Carpathes et ça sent la merde autant que les Ricains en Irak. Pour quelques billets comme une journée dans la cour des miracles. Omar Nix a déballé sa carcasse. La petite fait croire au paradis. Le sourire forcé à la Castaldi, ça tourne rond. Pire que le diable de Tasmanie sans un rond. Et le temps file, tu sais y'a pas de magie. Mais que statique pour Aria ici on te casse. Surveille-toi, c'est si facile d'avoir mal agi. Aucun remède à l'heure où le rap est maladif. À part parler au beat et tirer mes taffes de cannabis. Dans mon survêt Jamaïque aux plages des Caraïbes. Et chaque soir je me répète, sois content mec si tu passes la nuit. Ni départ ni arrivée, chacun son navire. Les nerfs à vif et je maintiens la barre où la plupart chavirent. Depuis quelques soirs, je travaille, mes tirs l'ont porté. Quel que soit le puits ou la faille, mes tirs l'ont bordé. Corrosif, c'est pas le distrib qu'a niqué la carte. Les statistiques, c'est comme nocif, t'as vidé la cave. Enfin droit, enfin le transfert vers la CAF. Froid, mais en fric noir, au moins l'enfer te verra glace. Écharpe mal mise sur le missile, le sommeil se couche 6 jours. Ici, chaque mardi, le soleil se couche 6 jours. Chaque bruit, la nuit, les prédateurs aux aguets. La vie, c'est facteur, l'ennui des acteurs trop sacrés. Allier les larmes, meurs, ce monde voit d'art. Les joies, les drames, le maillet, la meule en beau choix d'armes. Les filtrages tapinent, les fixes cachent à peine. Le fric, le cash, la prime, le filtrage d'appel. Le cœur sur une main, les valeurs et ses conneries. Y'a pas de surhumain, tu sais, le malheur c'est chronique.